Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la transversale. C'est l'entre-saison et aujourd'hui, on a eu des grandes nouvelles pour les supporters de l'Impact de Montréal. Un nouvel entraîneur et surtout, encore plus important, un nouveau chroniqueur, Ludovic Martin. Bonsoir. Bonsoir, Kevin. Comment ça va ce soir? Ah, ça va bien, ça va bien. Positif aujourd'hui, on a des belles nouvelles, c'est agréable. Au mois de novembre, comme ça. Non, mais un nouvel entraîneur pour l'Impact de Montréal. Un secret pas très bien gardé, mais surprenant. Hier, l'Impact a annoncé avoir une conférence de presse aujourd'hui 2h et les spéculations ont commencé. Un nom de Rémi Garde est sorti il y a quelques mois et a été officialisé aujourd'hui. Tes premiers commentaires, Ludovic, à chaud, après la nomination de Rémi Garde en tant que cinquième entraîneur de l'Impact de Montréal en MLS? Ben, je suis positif. Je crois que ça va faire du bien d'avoir un entraîneur de métier. Un entraîneur de métier qui a fait ses preuves ailleurs et pas seulement qu'en MLS ou comme Schalibom en D2 en Suisse. Puis j'espère qu'on va pouvoir voir quelque chose de bien sur le terrain. Maintenant, sur le terrain, c'était pas le seul problème de l'Impact. Le recrutement est aussi problématique. J'ai hâte de voir quel impact l'arrivée de Garde aura sur cette partie-là des problèmes de l'Impact. Si ça va aider, je crois que oui, j'espère du moins. C'est pas mal ça, mon opinion. J'ai mentionné aujourd'hui sur Twitter, sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est le début d'un influx de joueurs francophones ou de français ou de joueurs qui ont joué en Ligue 1 avec l'Impact de Montréal? Selon moi, c'est une des phases du mercato, une des phases du recrutement à l'étranger que l'Impact n'a pas nécessairement utilisé à sa pleine capacité depuis son entrée en Ligue majeure de soccer. C'est le fait français, c'est le fait francophone, c'est le fait d'aller chercher peut-être des joueurs qui seraient intéressés de venir en Amérique, mais en français, peut-être qu'avec l'avenue d'un Rémi Garde, cette transition va se faire de plus en plus? Ben, peut-être, mais je crois que ça va être plus que ça encore. Moi, je vois ça plus européen en général. L'Impact nous a habitués à recruter des Argentins parce que Nick DeSantis a des contacts en Argentine. Puis des gens qui jouent en Italie à cause de des relations qu'il y a avec les différents clubs, dans le temps la Fiorentina un peu, puis Bologne maintenant, mais en dehors de ça, rien. Alors je crois que là, on va vraiment ouvrir un petit peu plus les horizons, puis on va pouvoir aller voir un petit peu plus loin. Et pas seulement qu'en France, d'après moi. Parce que Garde a quand même joué en Angleterre, et puis en jouant avec Lyon, Strasbourg, puis Arsenal, il s'est fait des contacts avec d'autres personnes dans le milieu du foot qui ne sont pas que français. Alors, je crois que ça pourrait être encore plus large que ça. Mais s'il y a plus de francophones à l'Impact, c'est toujours plus facile pour pour tout le côté médiatique. Ça aide, veux, veux pas. Alors, c'est positif. Si on regarde un peu le curriculum vitae, vite, vite, de Rémi Garde, joué majoritairement pour Lyon, a gagné la Première Ligue aussi avec Arsenal dans le milieu des années 90, a été entraîneur de Lyon aussi, avec un passage avec Aston Villa. Puis aujourd'hui, on a pu voir, si on est capable de lire entre les lignes surtout, on a pu remarquer que c'est pas seulement un passage qui s'est bien passé. On va en apprendre plus dans le futur, sûrement, sur son passage avec Aston Villa. Mais c'est un projet qui l'intéresse vraiment. Puis il a dit des bonnes choses, évidemment, aujourd'hui, Ludovic. Rémi Garde a mentionné possession, a mentionné aussi identité de jeu, équipe agréable à regarder. Et un football positif aussi, qu'on pourrait dire, qui serait peut-être axé vers l'attaque. Est-ce que c'est des choses qui pourraient être intéressant pour les supporters pour le futur, si c'est pas nécessairement une équipe gagnante, parce que ça va être dur en MLS avec les Toronto de ce monde de gagner dans l'Est, mais si on a une équipe qui est le fun à voir, peut-être que ça pourrait changer la donne. Oui, je crois que oui, puis mais pour moi, cette portion-là passe par le coaching, mais elle passe beaucoup par le recrutement. Faut essayer d'élargir les horizons au niveau recrutement, puis trouver vraiment les bonnes pièces à mettre en place. Puis, d'une certaine façon, l'Impact est chanceux. Il y a quand même beaucoup de joueurs dont les contrats sont... les options sont levées ou les contrats sont terminés. Alors, l'Impact a une possibilité de renouveler son effectif présentement sans trop se casser la tête pour enlever des joueurs. Alors, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, surtout de ce niveau-là, parce que ça commence par là. Si tu ne recrutes pas pour jouer la possession, puis tu ne pourras pas le faire sur le terrain si tu as des joueurs qui sont que capables de jouer en contre, chose qu'on avait présentement. Alors, j'ai hâte de voir ce qui va se passer d'ici le mois de janvier, d'ici le début du camp d'entraînement. Pour moi, tout commence là. Si on regarde justement en 2017, vite, là, Ludovic, l'Impact a eu plusieurs manques à plusieurs endroits, là. Mais si tu regardes vers le futur, puis mettons une ou deux acquisitions, à quel endroit sur le terrain tu privilégierais de régler un problème? Pour moi, ça prend un vrai milieu de terrain allié du côté droit, parce que je crois pas que Romero va être capable de faire ce travail-là. Je crois pas que Salazar est la solution non plus. Et puis, je crois qu'il faut diversifier aussi un petit peu notre attaque, pas seulement passer par Piatti. Et puis, ça passe beaucoup par le côté droit aussi pour balancer les choses un petit peu. Maintenant, un vrai numéro 10, c'est aussi quelque chose de très intéressant, mais il y a beaucoup de trous à l'impact, hein? Pas juste deux. C'est certain que ça prend un vrai bon partenaire pour appuyer Simon, parce que Simon est excellent, mais ça prend quelqu'un spécifique avec lui qui est capable d'être vraiment un rock en défense pendant que Simon va s'aventurer un peu plus sur le terrain. Quand tu as un autre joueur qui fait un petit peu la même chose que lui, c'est difficile. Puis dans les buts aussi, ça prend quelqu'un qui est capable de gérer le trafic un peu aussi, parce que avec Simon justement qui s'aventure un peu partout, il n'y a pas vraiment personne qui le fait. Pour moi, là, j'ai nommé quatre positions. Ce serait mes quatre priorités pour commencer. Ouais, comme tu dis, il y a des trous à plusieurs endroits. Et oui, il y a beaucoup de travail pour Rémy Garde devant lui. C'était une bonne chose qu'il ait nommé au début novembre que début janvier. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Si l'impact avait attendu plus longtemps, plus l'impact attend, plus l'impact est dans le trouble. Alors, cette nomination, elle est bonne. Et ce que je suis content de voir aussi, c'est que ça ne s'est pas fait. Là, ce que ça plutôt a dit, c'est que Garde était à Montréal pour le dernier match. Ça veut dire que depuis ce temps-là, il s'est passé quoi, 3 semaines, 1 mois? Il a vu les matchs du club sur vidéo, puis il a pu se faire une idée. C'est certain qu'il sait déjà un peu où il s'en va, même s'il n'a pas vendu la mèche aujourd'hui. Oui, mais si on est capable de lire entre les lignes, encore une fois, si on regarde les commentaires d'Olivier Brett, le mentionné il y a quelques mois maintenant, qui mentionnait Rémy Garde. Il y a Joey Saputo lui-même qui a mentionné qu'il a rencontré Laurent Blanc cet été durant le passage de Laurent Blanc à Montréal pour pas lui offrir le poste, mais pour lui demander s'il connaissait des entraîneurs qui seraient peut-être intéressés avec l'aventure américaine, intéressés avec une aventure montréalaise. Et selon plusieurs sources, selon peut-être une mouche qui était sur le mur durant la rencontre, un nom a sorti de cette rencontre-là. Et c'était Rémy Garde. Donc, comme on dirait en bas français, c'est un move qui était prémédité, ça-là. Oui. Ben, c'est fait une idée rapidement, je crois. Il suffisait de mettre les jetons en place, un peu comme pour le contrat de Piatti, dans le fond. Hein. Les contrats, c'est des documents légaux, ça se fait pas facilement, puis tu veux pas annoncer s'il n'est pas consigné. Alors, c'est clair que le temps de tout préparer ça, Garde sait depuis quelques semaines déjà qu'il va être à Montréal. Alors, c'est positif de voir que l'impact est préparé. Même si, bon, ça fait toujours un peu bizarre de dire « je me cherche un nouveau coach alors que j'en ai déjà un et que j'ai pas nécessairement décidé à 100% de le mettre à la porte », mais bon, ouais, non, c'est bien de voir qu'on est préparé. Ouais, non, exactement. La préparation va toujours valoriser les résultats. Mais, je sais qu'on va parler dans quelques minutes des Québécois à l'étranger, mais parlons des Québécois à la maison pour un instant. En 2017, on a vu la dernière saison de Patrice Bernier. Et je vais te demander qu'est-ce que Patrice Bernier veut dire pour toi, Ludovic, dans quelques instants. Je sais que tu as eu la chance d'y parler à quelques reprises. Mais on a eu un Québécois qui est revenu à la maison aussi en 2017. Avant de parler de Patrice Bernier, Samuel Piette, qu'est-ce que le retour de Samuel Piette veut dire pour Samuel, mais veut dire pour l'impact aussi en 2018? Pour Samuel, c'est une grosse opportunité parce que depuis le début, ça fait longtemps qu'il est parti. Les gens ne le connaissaient pas vraiment, ou de nom, mais on ne l'a pas souvent vu. On l'a vu avec l'équipe nationale, mais bon, avec l'équipe nationale, il y a toujours un peu de difficulté à se mettre en évidence avant la dernière Gold Cup. Maintenant, pour lui, c'est vraiment l'occasion de lancer sa carrière sur un bon pied dans un championnat qui a un niveau plus élevé que la 3e division en Espagne ou des petits championnats comme ça. Il y a un défi parce que ce ne sera pas nécessairement simple. Il y a eu quelques bons matchs en arrivant, après, ça a été un peu difficile. Mais il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de football dans le corps dans les derniers mois. On a soulevé ce point-là avec Jim Ailey qui avait joué toute une saison, puis qu'il est arrivé ici, puis qu'il s'est mis à jouer. Mais c'était la même chose pour Piette aussi. Il avait joué une trentaine de matchs en Espagne, des matchs avec le Canada à la Gold Cup pour les qualifications de la Coupe du Monde. Et il est arrivé ici directement avec l'Impact. Il n'y a jamais eu de pause, il n'y a jamais eu de vacances. Alors j'ai vraiment hâte de voir aussi avec un camp d'entraînement qu'est-ce qu'il va être capable de faire. Après, tout dépend aussi de ce que Rémy Garde veut faire, est-ce qu'il va recruter à ce poste-là ou pas, quel genre de compétition il va avoir. Mais d'après moi, Piette va être mieux encore que ce qu'on a vu cette année avec le camp d'entraînement puis le repos avant. Alors, je suis vraiment excité. Puis du côté de l'impact, c'est certain que on veut bien croire que c'est un sport, qu'il y a seulement que ça qui compte, mais non, l'impact c'est aussi une business, il y a du marketing à faire, et d'avoir un gars comme Piette qui n'a pas la langue dans sa poche, qui passe bien dans les médias, qui parle français, qui est sympathique, c'est toujours un avantage pour un club, parce que veut pas, il faut vendre des billets et d'avoir un Piet qui est capable de s'exprimer puis d'être de connecter avec les gens d'ici, c'est une nécessité pour l'Impact. Alors, je suis très positif du côté de Piet. Aussi, pour parler à d'autres Québécois qui jouent avec l'Impact, il y a Balou Tabla, il y a Mathieu Chouinard, Mathieu, je parle du jeune, non? On parle du frère, du grand frère de David, qui a eu quelques bons moments. Mathieu, Balou Tabla a eu même des moments de quasiment de gloire au début de saison pour ce moment de plus difficile au courant de la saison. Qu'est-ce que l'avenir réserve à ces joueurs selon toi et selon Rémi Garde, qui est quand même un tacticien d'académie aussi, qui aime former des jeunes, et les Oumtiti de ce monde qui sont sortis de Lyon étaient quelques-uns de ses produits en tant que directeur d'académie, en même temps qu'entraîneur de Lyon. Qu'est-ce que l'avenir réserve pour les jeunes produits de l'académie avec l'Impact? Mais je crois que Garde est un homme intelligent. Il va se rendre compte assez rapidement que l'académie est très importante en MLS, même s'il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont encore mis ce principe-là de l'avant. Dans un contexte où il y a un plafond salarial, où tu ne peux pas donner des salaires exorbitants à tous les joueurs, tu as besoin d'une académie qui est forte, où ils vont sortir des joueurs qui vont être honnêtes et mieux même encore, et qui vont coûter un peu moins cher parce que, bon, c'est des joueurs en début de carrière. Donc, si ces joueurs-là réussissent à faire le travail, ça te laisse plus de budget pour les autres joueurs. Donc, seulement au niveau comptable, l'académie est absolument primordiale. Et Garde se connaît à ce niveau-là. D'après moi, ça devrait être positif plus que sous Chalibaum ou sous Klopas, par exemple, pour les joueurs de l'académie. J'espère voir Jackson continuer son bon travail. J'espère que Balou va avoir une chance de se faire valoir et puis va être plus concentré aussi un peu et éviter les blessures. Puis je crois que Chouanière ou Bélan Goyette et puis Maxime Crépeau auront leur chance aussi. J'ai vraiment hâte de voir les développements que ça va faire. J'ai aussi hâte de voir d'ici un an ou deux les jeunes qui montent présentement parce que l'Impact est très, très compétitif en U18 et plus bas. Et il y a d'excellents joueurs qui s'en viennent aussi. J'ai hâte de voir comment on va pouvoir les intégrer au groupe. Mais il ne faut pas croire non plus que tous les joueurs vont réussir. C'est certain qu'il y en a qui vont échouer. C'est normal, mais en espérant que l'Impact puisse y en avoir plus qui réussissent que plus qui échouent. Non, c'est toujours le but. Parlons un peu de Patrice Bernier, Ludovic. Je sais que tu as eu la chance de l'interviewer et de passer quelques temps avec lui durant ton temps avec Capitaine Soccer sur la Fédération Soccer du Québec. Mais Patrice Bernier, un des plus grands joueurs qui a joué pour l'Impact, pour sa retraite après le dernier match du 22 octobre, qu'est-ce que tu retiens de Patrice Bernier? Avant même de retenir des choses à propos de Patrice Bernier, le joueur de soccer, je retiens des choses à propos de Patrice Bernier, l'homme. C'est un homme qui est humble, qui est accessible, qui est sympathique, qui est toujours prêt à aider les gens, puis à parler avec les fans, puis à signer des autographes, puis à échanger. C'est vraiment quelqu'un qui était facile d'approche et qui te mettait à l'aise tout de suite. J'ai eu quelques conversations avec lui qui étaient vraiment, vraiment éclairantes et vraiment intéressantes à propos du soccer, mais un peu plus même à propos de la vie aussi, parce que c'est pas simple ce qu'il a fait de partir jeune, il n'y avait pas de modèle, de se retrouver en Norvège, fin fond au nord du cercle polaire arctique, seul pratiquement, avec personne qui parle le français ou et ainsi de suite, puis d'apprendre le norvégien un peu, puis oui, c'est vraiment qu'un homme, en tant qu'homme, exceptionnel, qui a laissé sa marque dans le soccer québécois, c'est excellent. Maintenant, sur le terrain, il y a peut-être pas une déception, hein. Il a eu une superbe carrière, mais il manque un petit quelque chose, il n'a pas réussi à s'établir en Allemagne. J'aurais aimé ça voir s'il avait vraiment eu une chance de le faire, parce que je crois qu'avec les blessures, puis un changement d'entraîneur, c'est les circonstances du sport, il n'a pas tout à fait eu sa chance. Je crois aussi qu'avec l'équipe canadienne de soccer, il manquait un petit quelque chose, puis on lui a jamais vraiment donné une vraie chance de s'établir. Et bon, faut dire que c'est pas facile de s'établir avec l'équipe canadienne de soccer parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs. Je m'en allais dire, il manquait le reste de l'équipe et d'avec les matchs. Oui, c'est ça. Il y avait beaucoup de talent à un moment donné. Il y avait 4-5. Mais si on parle de la génération, c'est même un peu plus. De Rosario, mais il y avait Chesson au de ses débuts, de Guzman à ses débuts, puis Patrice Bernier, mais c'est pas le top 4. Bernier ou Will Johnson. Ouais, c'est vrai. Il y en avait d'autres, Josh Simpson aussi, qui était blessé. C'est les 7-8 autres qui manquent pour faire l'équipe au complet. C'est ça. Mais il manquait surtout quelqu'un pour bien diriger ça. Et Bernier, un de ceux qui aurait pu faire mieux avec l'équipe nationale canadienne si elle avait été mieux dirigée, s'il y avait eu plus de vision. Et ça fait que donc, c'est sûr, il a eu une excellente carrière. Il était très bon en Norvège, puis au Danemark, et ici à Montréal, absolument aussi. Mais je crois qu'il aurait été incapable d'encore un petit peu mieux, mais les circonstances font que c'est ça. Mais on peut pas non plus. Il n'y a pas beaucoup de Québécois qui ont eu des carrières comme la sienne. Il y a Olivier Océane, puis si on recule un petit peu plus loin en arrière, Alex Bunbury, mais c'est à peu près tout. Oui, exactement. Alex Bunbury, ben, justement, qui a été sur mon émission Soccer TV il y a quelques mois, si jamais vous voulez l'entendre parler de lui et de son fils et de ses projets en Guyane. Une fois par mois, à l'avenir, Ludovic, on va se parler durant sur la transversale pour faire la chronique québécois à l'étranger. Ce que tu faisais avec ta capitaine soccer avant, durant avec ton blog, maintenant avec moi, je suis très content en passant. Merci beaucoup, ça fait longtemps. Ben, ça me fait plaisir. Ça fait longtemps que je veux savoir, parce qu'en même temps, ça m'aide à suivre les Québécois à l'étranger, que j'ai pas le temps de suivre et que le commun des mortels non plus, mais qu'avec toi, finalement, on va pouvoir garder un œil sur nos produits, les produits peut-être des fois du soccer d'ici qui s'établissent à l'extérieur. Oui, ben, oui, puis Québécois et Québécoises aussi, je trouve ça très important de mettre de l'avant le soccer féminin aussi. Parce qu'on a beaucoup de jeunes filles qui jouent au soccer, qui aspirent à de grandes choses, et il y a quand même beaucoup de Québécoises qui réussissent à faire le saut. Alors, je commence tout de suite. Allons-y maintenant. Parfait. On va commencer avec les anciens de l'Impact et du FC Montréal. Il y en a plusieurs, on m'a demandé récemment qu'est-ce qui arrivait avec eux. Les deux premiers dont je veux parler, c'est Maxime Tissot et Carl Ouimet. Les deux sont avec le San Francisco Delta à NASL. Oui. Et ils jouent dimanche prochain la finale des playoffs. The Championship, avec... la NASL The Championship pour le trophée devant pas grand monde, par exemple. Oui, parce qu'ils vont jouer à San Francisco en plus. C'est juste plate parce qu'il n'y aura peut-être pas de ligue l'année prochaine. Ben, pas juste ça, c'est quasiment officiellement le dernier match des Deltas de San Francisco. C'est pour le voilà, trophée. Voilà, même s'il y a une ligue... Ils ne seront pas à San Francisco l'année prochaine, ça c'est ça, 99% certain. Oui, mais non, ils ont juste quand même pas... la chance de gagner un trophée. Exactement. Avec, faut le noter, Marc Dos Santos comme entraîneur et puis son frère Philippe Dos Santos comme entraîneur adjoint. Alors il y a une grosse présence québécoise dans cette équipe-là. Carl Becker aussi, Carl Becker et voilà, l'ancien de l'Impact. Nana Atecora aussi, donc une grande présence canadienne aussi. Oui, oui, oui. Puis l'ancien gardien d'Ottawa, Romuald Pizer, le français. Ouais. Alors, contre le Cosmos de New York, ça va être intéressant de voir ce match-là. C'est quand même le Cosmos, c'est quand même une bonne équipe, même s'ils n'ont pas nécessairement eu la meilleure des saisons. Et puis, le Cosmos aussi, il faudra surveiller l'entraîneur du Cosmos, Zavarizé, qui pourrait peut-être éventuellement passer comme entraîneur à MLS. Et j'espère que Marc Dos Santos sera considéré aussi quelque part parce qu'il le mérite. J'ai hâte de voir où il va se retrouver. L'an prochain. Oui, il va falloir qu'il se trouve un emploi, malheureusement. Marc Dos Santos ne l'a pas eu facile avec juste la stabilité d'emploi. Avec Ottawa durant 2 ans, ensuite avec les Sword Park Rangers pour 1 année en USL, il pensait peut-être avoir une opportunité avec Kansas City si jamais il arrivait quelque chose avec Peter Vermees. C'est pas arrivé, il a accepté l'offre des Deltas et maintenant les Deltas font banqueroute, font patate, donc... Oui, puis faut tout le temps penser aussi, le métier d'entraîneur n'est pas facile, c'est certain, mais il y a toujours une femme, des enfants derrière, qu'est-ce que c'est pas évident non plus de dire je m'en vais chaque année au Missouri, en Californie, à Ottawa, au Brésil. Au Brésil avant ça, c'est ça, avec Palmeiras et Deportivo. Je ne sais pas exactement ce qui va arriver avec lui, mais j'espère qu'il va réussir à percer quelque part dans un bon championnat, parce qu'il le mérite, c'est un entraîneur de talent. Ouais, non, si, si on descend une division, le championnat de USL, tous les joueurs québécois qui étaient en lice sont maintenant en vacances. Il y avait quelques joueurs du FC Montréal qui sont allés en USL, mais il y en a seulement deux qui ont vraiment réussi à s'établir. Il y a Alessandro Riggi avec le Phoenix Rising qui a joué une vingtaine de matchs, marqué 4 buts. Il y a eu une excellente saison. Malheureusement, il y a eu une grosse blessure au milieu de saison qui l'a un peu ralenti. Mais ça reste positif pour lui. J'ai hâte de voir l'an prochain s'il continuera avec Phoenix ou s'il ira ailleurs. Parce que Riggi a un passeport italien et peut facilement aller en Europe s'il le veut. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à lui s'il est prêt à déménager. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Alessandro Riggi, pour moi, toujours pas chanceux. Je dirais avec des blessures, toujours le, ça arrive quasiment tous les joueurs, on se le cachera pas là. Mais ce qui peut vraiment être déterminant d'une carrière, c'est le timing d'une blessure. Mm-hmm. Et Alessandro Riggi, malheureusement, le timing de ses blessures au cours des dernières années, ils ont vraiment été coûteux. Oui, ben si ça n'aurait pas été d'une blessure au camp d'entraînement de l'Impact il y a deux saisons, je crois qu'il serait probablement encore avec l'Impact, avec les pros. Et, en 2015. Ouais. Sauf que le fait d'être blessé au camp d'entraînement a fait qu'il est retourné avec le FC Montréal et après ça, ça n'a pas tout à fait fonctionné. C'est un peu. Et je sais où tu t'en vas ensuite. Je pense que tu t'en vas un petit peu plus vers l'est, un petit peu plus au nord, pas proche des montagnes, pas loin de Colorado Springs. Oui, hein? Oui, exactement. Masta Kacher avec Colorado Springs, avec les Switchbacks. Il a joué 32 matchs cette saison. Il a marqué 7 buts comme milieu de terrain. Il jouait un peu plus ailier gauche, mettons. Dans une attaque à 3, mais c'est une excellente saison pour lui. Et ça augure vraiment bien pour la suite de sa carrière. J'ai hâte de voir où il va aller lui aussi. Est-ce qu'il va rester à Colorado? Est-ce qu'il a attiré l'attention du club de MLS? Parce que je crois qu'il a le talent pour le faire. Pardon. J'ai vraiment hâte de voir où il s'en va. Il y a eu un petit peu plus de difficultés peut-être dans le milieu vers la fin de la saison, mais son début de saison était excellent. Il était plusieurs fois sur l'équipe de la semaine, plusieurs fois joueur du match dans les matchs de son club. Et but de la semaine aussi. Oui, plusieurs beaux buts. Un excellent tir de loin. Oui, vraiment, il y a un bel avenir devant lui. J'ai hâte de voir comment les choses vont se développer pour lui. Ça, c'est les produits de l'Impact qui ont glissé entre les doigts. Maintenant, si on regarde les Québécois à l'étranger, en dehors de l'Amérique. En dehors de l'Amérique, pour les anciens de l'Impact, il faut se tourner un peu vers la France pour commencer. Il y a Jérémy Gagnon-Laparé qui est à Vitré en National 2, c'est la quatrième division. Il a fait une demi-saison là-bas l'an passé, ça a bien été. Il est encore là cette année, c'est un joueur important dans le club. Puis il y avait eu des rumeurs comme quoi il avait fait quelques essais avec Rennes, entre autres, qui est près de Vitré. Alors, c'est un joueur qui s'établit tranquillement. Un autre, toujours en National 2, qui est la quatrième division, c'est John Dincota. L'an passé, il était une division plus bas à Oissel. Il a été transféré cette année avec Jura Sud. La saison est commencée, ça fait 9 matchs, quoi, mais il était blessé au début. Il n'a pas vraiment joué. J'ai hâte de voir comment ça va se développer pour lui. Ensuite de ça, dans les autres joueurs, dans les autres anciens de l'Impact en Europe, en Suède, il y a Yann Filion et Zachary Sukunda qui étaient avec Umeå en troisième division en Suède. Umeå avait des ambitions d'être promu, ça n'a pas fonctionné. Mais Filion, entre autres, a eu une excellente saison, même s'il a été blessé vers la fin de la saison. Sukunda aussi. En Finlande, James Gatt. Je dois t'arrêter te dire un instant, je peux pas le mentionner assez souvent. Dans notre vie, on a la chance souvent de parler à plusieurs joueurs. Puis pour moi, Zachary Sukunda, là, c'est une révélation. Mm-hmm. Si je pouvais parler à un athlète comme Zachary Sukunda à chaque fois, là, je serais un journaliste heureux. Authentique, intelligent, très un student of the game, comme on dit en français. Toujours le fun, puis je m'ennuie de jaser avec Zachary. J'ai hâte de le revoir réapparaître dans le soccer en Amérique. Oui, ben il a quand même eu une bonne saison en Suède. Il a joué pas tous les matchs, mais presque. Alors, j'ai hâte de voir aussi ce qui va se passer pour lui. Moi, tu vois, c'est plus Yann Filion avec qui j'ai eu des échanges. Et c'est aussi quelqu'un qui est sympathique, ouvert, qui connaît le jeu et qui est intéressant à discuter avec. J'ai hâte de voir aussi ce qui va se passer avec lui. Maintenant, si on va en Finlande, toujours pour rester dans le nord de l'Europe, James Geffrard, qui est avec EIF en deuxième division en Finlande, qui a aussi eu une excellente saison. Un club qui aussi voulait être promu, mais que ça n'a pas tout à fait fonctionné. Mais Geffrard a quand même eu le droit à un rappel par l'équipe nationale d'Haïti. Et ça, c'est aussi excellent. Il a joué contre le Japon, c'était... ça a bien été. Oui, au Japon, en passant aussi. Hein? Donc, c'était un grand voyage. Je me rappelle sur les réseaux sociaux, voir James qui mentionnait le voyage d'une vie. Découverte d'un pays, découverte des frères aussi avec l'équipe nationale. Non, Oui, j'avais lu quelqu'un qui avait fait un commentaire à un moment donné comme quoi c'est seulement des Québécois de plus qui vont gagner un salaire de misère et qui s'accrochent au foot. Mais non, c'est plus que ça. C'est la chance de vivre un rêve, même en deuxième division en Finlande. C'est de voir du pays, c'est de vivre des expériences. Je crois que c'est jouer au foot tous les jours. Oui, voilà, exactement. Je prendrais la moitié de mon salaire pour jouer au foot tous les jours. Là. Mais voyons. Oui. Puis dans un environnement différent, tu apprends des choses, tu découvres des choses. C'est quelque chose qui, pour moi, c'est important. Ces jeunes-là, aujourd'hui, qui jouent, qui ont 19, 20, 21, 22 ans en France, ben, peut-être que dans 10, 15 ans, ça va être les coachs de vos enfants ici au Québec et ils vont avoir un bagage Oh. exceptionnel que les coachs que tu vois ici aujourd'hui au Québec n'ont pas nécessairement. C'est très important. Même si c'est en deuxième division en Finlande ou en troisième division en Suède, le développement du foot passe par là. Non, j'aime ce commentaire-là, Ludovic. C'est vrai, on y pense pas des fois. Mais oui, justement, dans 10-15 ans, peut-être ça va être le coach à je sais pas, moi, à Brossard ou le coach à soccer, Hochelaga-Maisonneuve. Le coach, le journeyman joueur qui devient un très bon entraîneur, un très bon pédagogue pour les jeunes, pour le foot. Non, c'est vrai, t'as raison. Oui, puis qui est capable de lui montrer, oui, le foot, mais aussi plus encore parce qu'il a La vécu, parce vie. qu'il a du Ouais, la vie, vécu. c'est vrai. La vie, on oublie la vie des Voilà. fois. Voilà. Bon, pour continuer encore, il y a un autre ancien du FC Montréal qui est en Europe, c'est au Portugal, c'est Philippe Lincourt-Joseph qui vient tout juste de signer avec Fatima en troisième division au Portugal et puis qui a inscrit son premier but le week-end dernier. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer avec lui. C'est intéressant parce que c'est pas un joueur qu'on connaissait tellement, même avec le FC Montréal. Et c'est tout nouveau. Alors, oui, ça va être intéressant de suivre ce qui va se passer pour lui ensuite. Maintenant, il y a deux autres joueurs dont je veux faire mention. D'abord, Olivier Océan Oui. avec Odd Grenland en Norvège qui vient de terminer sa saison. Il n'a pas eu une très bonne saison. Il est rendu à 36 ans, mais cette fois-ci, c'est la faute aux blessures. Il a joué seulement 1000 minutes cette année, blessé, je crois, un genou. Il a marqué seulement deux buts. Bon, il a le même âge que Bernier, mais Bernier vient de prendre sa retraite. Je ne sais pas Exactement. exactement ce qui va se passer avec Océane. Est-ce qu'il sera de retour l'an prochain ou est-ce que c'est la fin pour lui? Il y a eu quelques années qu'il a joué plus ou moins aussi. Donc, c'est un 36 ans, mais peut-être un 34 ans aussi, dans le sens que les dernières années ont été plus espacées entre ces périodes qui étaient un joueur actif. Oui, en Allemagne, ça a été plus difficile une fois qu'il s'est retrouvé en première division, mais il a eu une belle carrière tout de même Il n'aurait en jamais dû Norvège. partir de Francfort. Il arrive avec l'Eintracht Francfort. L'Eintracht Francfort s'en va en Ouais, voilà. Bundesliga, puis il aurait dû rester là. Oui, mais bon, le contrat, l'argent, il n'y a pas des milliers d'occasions non plus d'avoir un bon contrat Non, dans une carrière c'est de vrai. joueur de soccer si on te fait une offre C'est vrai. intéressante à un moment donné. Tu T'attends. l'apprends, hein? Ouais, donc ben Voilà, exactement, voilà. j'aurais fait pareil. Et l'autre? L'autre, c'est André Hainaut. Hainaut est Oh! disparu du. Oui, André Hainaut disparu du radar depuis un certain moment. L'ancien Il est joueur de rendu à 30. Houston, hein? C'est ça, l'ancien joueur de Oui, c'est Dynamo de ça. Houston? Oui, de Houston et de Montréal aussi avant. Oui, c'est vrai. Il est rendu à 31 ans. Il joue avec Magdeburg en Allemagne. Et là, je dis il joue, c'est un grand mot. L'an passé, il a joué deux matchs au début de la saison. Puis il s'est blessé un genou. Et Ouch. c'était. Je ne sais pas exactement c'était quoi, mais c'était une grosse blessure. Il n'est pas revenu encore. C'est pas vrai. Il revient tout juste de cette blessure-là. Il a joué un match de coupe contre un club de troisième, quatrième, plus bas que ça, de vraiment la division inférieure. Il a été sur le banc pendant quelques matchs. J'ai hâte de voir s'il va être capable de relancer sa carrière. C'est certain que des blessures, quand tu es arrêté un an à l'âge de 30, 31 ans, c'est pas évident. C'est un milieu Non. compétitif. Ta place a été prise. Les genoux en tant que défenseur aussi, hein, les genoux, Oui, les c'est ça, blessures c'est aux genoux, ça. là. Surtout quand on parle de deuxième, troisième division, on parle souvent de terrain en piètre état ou plus ou moins en plastique. Donc, ouais, Ouais. ça commence à être dangereux pour les genoux, là. Oui, puis bon, en entrevue, il avait l'air positif. Il a fait une entrevue avec un média allemand, puis il disait qu'il voulait reprendre sa place avec l'équipe canadienne. J'ai vraiment hâte de voir s'il va réussir à. C'est un gros défi qui est devant lui, s'il va réussir ce défi-là. Voilà, pour les hommes. Maintenant, pour les femmes, on va faire ça vite fait. On va juste dire un petit peu là. Pas Il trouble. y a. Il y a, c'est surtout en France où les Québécoises ont réussi à s'établir et c'est assez récent. L'année passée, il y avait Gabrielle Lambert à Albi puis elle avait Émilie Girard avec elle aussi. Émilie est maintenant à Grenoble en deuxième division. Gabrielle est toujours à Albi puis elle a été rejointe par Ariel Roy-Petitclerc. Et puis les deux autres Québécoises en France, c'est Geneviève Richard et puis Marie-Yasmine Alidou d'Anjou qui sont toutes les deux à l'OM. Je suis L'OM. content de voir qu'il y a ces cinq Québécoises-là qui aient pris la relève de Rianne Wilkinson, de José Bélanger, puis de Marie-Ève. Bon, j'ai un blanc de mémoire. Ouais, mais ouais, Marie-Ève Nault. Oui, c'est ça. J'avais juste Marie-Ève Pelletier en tête. C'est correct, moi aussi, C'était mais ça, pas c'est ça. un autre sport, ça, c'est le tennis. Oui, c'est ça. Et de Marie-Ève Nault, parce que, il y a pas beaucoup de Québécoises avec l'équipe nationale. Ah oui, c'est vrai, il y avait Iris Anderson aussi qui était en D2. Il y a Stéphanie Labbé qu'on oublie aussi souvent, qui est la gardienne de l'équipe nationale. Ouais, mais Québécoise, bon, en tout cas... Ouais, franco, ouais. Francophone. Franco, ouais, francophile. Ouais, franco-manitobaine. Francophile. Ouais, c'est ça. Et mais c'est ça, je suis surtout content de voir qu'il y a des joueuses qui ont pris la relève de No Wilkinson et Bélanger, parce que ça fait un gros trou. Maintenant, ouais. J'espère que ces Québécoises-là vont avoir la chance avec l'équipe nationale canadienne, parce que depuis un certain temps, il n'y a pas beaucoup de Québécoises en équipe nationale. L'autre dont on suit le parcours aussi, c'est Amy Pietrangelo, qui était championne de Suisse l'an passé avec le FC Neunkirch, qui est maintenant en Allemagne avec Jena. C'est difficile un peu pour Jena, je crois, ils sont dernière ou avant-dernière, mais Pietrangelo est une excellente joueuse, j'ai hâte de voir comment ça va se passer pour elle là-bas. Fait que ça fait à peu près le tour des Québécois et Québécoises à l'étranger. Non, le foot féminin européen a grandi énormément durant les 5 dernières années, et je regarde surtout les 2 dernières années, si on regarde avec la montée du foot féminin anglais, du foot féminin français, du foot de club, surtout avec le PSG, l'OM, l'OL, oui, et oui. Si on regarde Manchester City et Chelsea et autres en Angleterre, à part United, chaque chance que je vais le mentionner. United, pas d'équipe féminine, come on. Comment? C'est 2017, il était... C'est un peu honteux, oui. Ouais, mais c'est bien aussi de voir des clubs... Passant, mais ça, c'est une autre chose. Oui, mais c'est bien aussi de voir des clubs qui n'ont pas de club masculin et d'envergure qui ont réussi à s'établir dans des clubs féminins comme Albi en France, qui est en D1. Mm-hmm. Quand je vois ça, je me dis, il y a des gens qui y croient, puis qui investissent, puis qui poussent. Puis c'est bien de voir qu'il y a des Québécoises qui sont impliquées là-dedans aussi. Mais mettons que je suis un club de soccer en Europe, OK? Mettons que je suis Albi, là. Mettons que je suis une petite ville qui a des grandes ambitions. Au côté masculin, le montant qu'il faut que j'investisse en temps et en argent va devenir simplement un peu... C'est important, prohibitif. C'est incroyable, right? Mm-hmm. Mais si on regarde du côté féminin, j'ai une chance avec un montant qui est peut-être normal, mais avec un investissement dans le développement, dans l'académie, de monter mes propres jeunes, de monter mon équipe, je peux devenir important rapidement sur le continent européen avec une équipe, puis mon branding devenir important, puis éventuellement peut-être côté masculin ça va venir, mais oui, c'est vrai, c'est un bon point que tu mentionnes. Oui, c'est sûr que la visibilité est moindre, mais la visibilité est moindre pour les clubs féminins, mais c'est appelé à grandir parce que le foot se démocratise de plus en plus du côté féminin, il y a plus d'intérêt, il y a plus de gens qui suivent, il y a plus de médias qui suivent, et oui, j'ai hâte que ce mouvement-là se passe ici aussi. Parce qu'ici, il ne se passe pas grand-chose. Je sais que la PLSQ avait l'ambition de faire un penchant féminin. Je ne sais pas exactement si ça va arriver ou pas. Ce serait agréable. Il l'avait annoncé en 2015. C'est bizarre, on n'a pas entendu parler depuis. Mais on vous regarde. Les gars en Ontario, merci, en tout cas pour l'instant. Voilà, oui, c'est ça. Peut-être une équipe d'un NWSL éventuellement à Vancouver. C'est juste ce que j'entends, mais c'est pas pour tout de suite. Oui, ben Vancouver avait son équipe en W League dans le temps, comme Laval et Québec. Les Comets, je m'ennuie des Comets, Ludovic. Mais oui, je crois que c'était important pour les Québécoises d'avoir un débouché ici. Je suis content de voir ces filles-là en Europe, là, c'est certain. C'est des belles expériences, mais c'est encore plus facile si tu peux le faire dans ta cour chez toi, comme ce que le FC Montréal faisait pour les jeunes Québécois. Et maintenant, on n'a plus cette opportunité-là. Et c'est pas parce qu'il n'y avait pas la volonté d'avoir des clubs, c'est parce qu'il n'y a plus vraiment de ligue. Mais ce qu'on va finir là-dessus, Ludovic, FC Montréal, c'est quelque chose que j'ai entendu parler à quelques endroits aujourd'hui. Là. Avec Rémi Garde qui parle de l'académie et qui parle d'endroits pour que les jeunes compétitionnent, est-ce qu'on va revoir le FC Montréal ou quelque chose de similaire dans l'avenir rapproché? Moi, je croirais pas, parce que si c'est plutôt l'enlever, c'est pas pour le remettre tout de suite après. Par contre, je crois qu'il y a moyen de faire mieux. On a envoyé un peu quelques joueurs à Ottawa avec des succès. Bon, les Québécois qui étaient à Ottawa n'ont pas vraiment joué, ou presque. Là, 4 matchs ou 5 matchs pour Thomas Meyer-Giguère, pour Aaron Minkiligua, c'est pareil. Jimmy Sanon, un petit peu plus. Ensuite, il y a eu les joueurs qui ont été envoyés, comme Nick Dupuis, Salazar, Lefebvre. Ceux-là ont joué un petit peu, mais il manque quand même quelque chose pour moi entre les U18 puis l'Impact. Et il faudra trouver quelque chose de mieux qu'à Ottawa, parce qu'à Ottawa, ça n'a pas tout à fait marché. Parce que faut pas croire qu'à 18 ans, tous les joueurs de soccer, tu sais exactement lesquels vont réussir à percer et lesquels ne réussiront pas, puis dire « OK, c'est lui, puis c'est pas lui ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il peut y avoir des late bloomers, comme on appelle, ou des choses comme ça. Puis il faut donner des opportunités à ces joueurs-là. Et là, la marche est très haute entre le U18 et les pros. Il ne faut pas se le cacher. Là. Non, exactement. Ludovic, merci beaucoup pour cette première chronique des Québécois à l'étranger. Tous les mois, probablement le premier mercredi de tous les mois, on va se retrouver et parler de nos produits favoris à l'étranger. Ben, merci à toi, Kevin. Ça me fait plaisir. Et merci à tous les auditeurs. Vous pouvez nous suivre sur Assure Transversale sur Twitter, les réseaux sociaux aussi Facebook, facebook.com/ sur la transversale, YouTube sur le channel de Sports Podcast Network et évidemment sur iTunes, Google Play Store, Apple Balado. Vous pouvez trouver sur Balado Québec maintenant aussi, vous pouvez trouver sur la transversale. Et encore une fois, je suis Kevin Laramie et jusqu'à la prochaine fois, bon soccer!